visite les Nordiques, assis sur ma lueur cosmique, avec le temps comme ami et un verre de whisky. J'en ai bu des nuits blanches en dessinant tes hanches. Comme une roche à la mer, un grand trou dans le désert. Je t'imagine cet hiver à mes côtés, vague éphémère. Hey, yeah, hey. Que Dieu a créé, qu'est-ce qu'il dit à l'amour pour qu'il soit là toujours? Je pourrais jamais inventer la beauté d'imaginer, mais laisse-moi donc bercer par mes rêves d'enfant blessé. Une roche à la mer, un grand trou dans le désert. Je t'imagine cet hiver à mes côtés, vague éphémère.